duma palca, to chuj się nie gromy, bo pójdę do tańca, to chuj się walimy. Halba, a nie drinki, że mamy ciary i znamy wszystkie cichy. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Allo Asri à nouveau, consacré aujourd'hui et une fois et coutume à la Pologne. Salut Souris. Salut Métier et salut tout le monde. Bon, oui, hein, notre petit tour en Pologne quand même, traditionnel. La petite tradition qui va bien. C'est quand même une sacrée mine d'or au niveau musical, l'air de rien. Après, là aujourd'hui, il y a des groupes qu'on n'a jamais écoutés hein, quand même. Eh bah, bien, oui. Et notamment Même le payer les premier, plaisirs, quoi. c'est ça, notamment le premier, un groupe de Oi de 1999, c'est Bachor. Ouais, alors je ne sais pas si on prononce Bachor, forcément nous en tant qu'ancien, on a envie de le faire, Ouais. mais j'imagine que en polonais, ça serait plutôt Bachor. Bachor, ok. On teste les deux, écoute. Hein. C'est ça. eux, ils viennent de Giżycko, et du coup, on va passer deux titres. Le premier, c'est Punk Rock. Et le deuxième, Nasza Ulica, qui veut dire notre rue. C'était Bachor avec Punk Rock et Nasha Ulitsa. Et on va continuer encore avec un groupe qu'on n'a jamais écouté, c'est Compagnia Carna. Ouais, compagnie pénale, société pénale, voilà. Alors, le nom de cette ville à chaque fois, c'est la torture. Je balance. Ils sont donc de Bydgoszcz. Ouf, j'ai pratiquement réussi, je Chouchou. crois. Ouais, c'est ça, quoi. Et c'est un groupe qui a été formé en 86 ou 87, selon les différentes opinions. Et certains des membres, après, ont ensuite formé le groupe de hardcore Schisma, qui joue toujours maintenant, et on passera un morceau après, d'ailleurs. D'accord. Et là, le titre de Compagnia Carna, c'est Komunistyczna Centrala, qui veut dire le quartier général communiste, et je suis sûre que c'est pour en dire tout le bien qu'ils en pensent. C'est sûr. C'était Compagnia Carna avec le morceau Komunistyczna Centrale. Et on va rester dans la riante ville de Bydgoszcz avec Schisma. Ouais, Schisma formé donc en 91 avec le titre Soras Dalej, aller de plus en plus loin. C'est olympique presque comme nom. Oui, c'est clair. Tu te fais des nœuds dans la langue, quoi. C'est ça, en plus, ouais. Sekularyzowana władza, dzieli, rządzi, kapitał pomnaża. Big Ten, Big Media, Big Pharma. Zmiany wdraża, nie przeszkadzaj. Rządy brakują po zbycie. Autonomia nie daje korzyści. Globalna, centralna, światowa. Wojna marketingowa. Wojna kultur. Wojna klas. Wojna płci. Wojna raz. Własna infobańka. Dezinformacji matka. Swoje ideowe plemię. Polaryzację ceny. Coraz dalej od siebie. Majonetką we społeczeństwie. Gramy rozpisane role. Żyjąc innych życiem zamiast swoim. Kto tu konspiruje? Kto stara powie, której? Kto nami manipuluje? Żelem ci, świat buduje to. C'était Schisma avec Coraj Daleij. Et On parlait de se faire des nœuds dans la langue. et on va aller du côté de Warszawa, Varsovie. Ouais, avec Werwolf Schedem Schedem. Par contre, on avait déjà joué déjà quelques morceaux. Ouais. Et donc, le titre, c'est Zamkni Oči Dodaj Gazu. Qui veut dire ferme les yeux et mets les gaz. Ça annonce quelque chose qui va bien se terminer. C'est clair. C'était Werwolf Schedem Schedem avec Zakni Ochni Dodaj Gazu, pardon. Et on va poursuivre à Poznan avec The Sandals. Ouais, Poznan, c'est facile à dire au moins. Ça, c'est bien ça. Hein? Ouais, ça, quand il y a des noms faciles à dire comme ça fait du bien. Ouais, c'est les vacances. Voilà. Ouais, donc The Sandals avec le titre FTW, donc Fuck the World. Thank you. Et voilà pour The Sandals avec FTW Fuck the World. Et on va finir cette émission avec Podvorkovi Hooligani. Ouais, par contre, ça aussi, un groupe quand même assez qu'on passe assez souvent aussi, hein. Ah, il me semble qu'il y a longtemps qu'on les a pas mis, eux. On Ah, les a peut-être, beaucoup c'est mis au tout pour eux. début et après on les a plus mis. C'est possible, possible. Bah écoute, du coup, on se rattrape alors. Ils sont de où déjà? Oh purée, alors c'est. Là, par contre, je me rappelle plus. Tu me C'était pas poses une colle. de Poméranie? Non, vraiment, là, tu me poses une grosse colle parce que Ou les justement, j'avais Berlinois? Non, c'était vu dès leur armée, c'était quoi ça? Voilà, oui, parce que le truc, c'est ça, c'est que ils ont pas tous les membres du groupe, mais par exemple, le chanteur et quelques autres ont habité longtemps à Berlin, en effet. Ah oui, Donc, c'était d'accord, c'est ça. le fameux truc Villeda Army, Ouais. oui, qui faisait les pare-brises de voiture pour faire un peu de thune et s'acheter des bouteilles de vodka, quoi. Mais alors. Est-ce que c'est pas un de ces groupes où tu vois ils viennent un peu de plusieurs petites villes Ouais. différentes? C'est fort probable et je pense que c'est pour ça en fait que j'ai pas vraiment T'as pas mis d'origine. d'origine. Ouais, je pense c'est plutôt ouais, voilà, c'était le coup là de la Silésie avec un peu chaque personne de ce bled-là et les hommes de Ouais. l'autre. Bon, j'essaierai de creuser la question. Ouais, non, mais c'est pas, c'était comme ça. Et donc du coup, on va passer deux titres. C'est Volnocht, qui veut dire liberté, et Grodzki Pub, le pub Grodzki, tout bêtement. przywitanie. Potem budy jest rozdanie i już człowiek okrężony jest. Później gadka jest o wszystkim, to że koniec świata bliski i że w kraju coraz gorzej jest. Nagle wchodzi ta euforia, wszystkich lubisz, wszystkich kochasz i złamane serce spotkasz gdzieś. Nagle wchodzi ta euforia, wszystkich lubisz, wszystkich kochasz i złamane serce spotkasz gdzieś. Et voilà, les deux morceaux qui clôturent cette émission, c'était Podvorkovi Huligani avec Volnoch et Grodzki Pub. Ah, sacrée rentrée. Et, merci Souri pour la préparation et la coprésentation de cette émission. Bah, moi, j'espère que ça a plu à tout le monde. Voilà. Pareillement. Et en tout cas, si ça vous a plu, vous pouvez nous réécouter la semaine prochaine sur les ondes de la Droguise Radio. Restez à l'écoute, car la voix de la Hoy ne s'éteint pas. Salut. Salut.